victime de souffrance. On règle ça par la violence, mais la douleur n'est qu'intense. Vendre la mort pour payer nos vies avec méfiance. S'en sortir dans les finances en évitant la pénitence. Rien remplace le geste, mais pas le cadeau. Rien remplace l'amour, mais pas le geste. Rien remplace le geste, mais pas le cadeau. Sans coupable, êtes-vous capable d'éviter les coups bas quand la haine vous abat? La vérité, je l'ai pas, la réalité, vous êtes juste là-bas d'un système qui s'en bat. Ne baisse pas les bras, bats-toi. Certains visent le bas, bats-toi. Dis que ça, relève-toi, reste-toi. Le chemin est étroit, donc reste droit. RSA, là c'est dit qu'un quotidien meurtri. Quand la rage se précipite, quand le système nous délimite, on devient insupportable au point de commettre des actes regrettables qui font que le sang s'étale et que nos lueurs s'égarent quelque part à la recherche de mailles. De quoi remplir le frigo pour rassasier nos failles. De quoi nourrir nos familles quand nos assiettes crient famine, quand celle des autres nous fascine. Quand la rage se précipite, le système nous délimite. Quand la misère nous guette, les frères nous soutiennent. Rien ne remplace le geste, mais pas le cadeau. Quand la rage nous malmène, que nos sœurs nous soutiennent. Rien ne remplace l'amour, mais pas le geste. Éviter les coups bas quand la haine nous abat. Pas le droit à une éducation, alors pourquoi suivre le chemin de la nation? Parce que nos vies sont tous issues des bas-fonds. On est tous à fond, au fond, pour pas finir au fond. Meilleur que ce foutu quartier pour nous réunir. Alors obligé de grandir, faire face au pire. Je côtoie l'illicite pour assouvir mes propres désirs. On n'est pas toujours clean, je vais pas te mentir. Je marche parfois avec le shaitan. Mais quand tout va mal, j'impose mes lyrics sur instrumental. Ça canalise ma haine, m'empêche de faire des dégâts. Je m'en donne plus le droit, je fais face à l'état. Moi je respecte mes propres lois. Rien ne remplace le geste, mais pas le cadeau. Quand la rage se précipite, le système nous délimite. Rien ne remplace l'amour, mais pas le geste. Quand la misère nous guette, les frères nous soutiennent. Rien ne remplace le geste, mais pas le cadeau. Quand la rage nous malmène, que nos sœurs nous soutiennent. Rien ne remplace l'amour, mais pas le geste. Éviter les coups bas quand la haine nous abat. On a décidé d'atteindre le top, alors on marche droit, pas de stop, pas de stup, nous on est là. On est là, tous les mêmes à régler nos galères seulement. Éviter de le faire salement, mais musicalement. Vivre chaque moment présent, avec l'envie pressante de se montrer présent. Aujourd'hui on sort un pack lyrical, grâce à nos rimes peu banales, notre rap est vital. Rien ne remplace le geste, même pas le cadeau. Rien ne remplace l'amour, même pas le geste.